21-27, observation, 6 mètres. Oh, ce que vous pouvez être sentencieuse quand vous vous y mettez. Ce que tu peux être agaçante quand tu t'y mets. Il n'aime pas travailler, mais quand il s'y met, il travaille vite et bien. Allez, au travail, il faut s'y mettre. Je vais me mettre au travail. Je vais me mettre à travailler. Mireille s'est mise à l'italien. Elle s'est mise à apprendre l'italien. Elle s'est mise à apprendre l'italien. Elle s'y est mise.